prix de transfert. Pour pouvoir se prévaloir de la présomption de transfert de bénéfices, l'administration doit établir l'existence d'un avantage anormal consenti par une société française à une société étrangère. À cet effet, elle peut notamment recourir à des comparaisons entre la pratique de facturation de la société en cause et celle de sociétés françaises similaires placées dans le même contexte. Pour la Cour administrative d'appel de Versailles, le contexte est différent et donc inopérant si l'administration se réfère à un panel de 5 sociétés françaises dont aucune ne constitue une entité indépendante et dont une seule exerce dans l'un des 3 secteurs d'activité de la filiale en cause. La preuve de l'avantage anormal supposant des comparaisons pertinentes, l'administration a vu dans cette affaire sa démarche de redressement retoquée par les juges.